Mesdames et messieurs, approchez-vous sans bousculade. Servez-vous du gin pour les tortillas de la limonade. Pas non plus, alors qu'il y a eu la pluie. Ce soir, c'est organisé dans un esprit cool. Mais pas, ça peut vers là que tous tes problèmes s'effacent. Et il se fait de plus préoccuper les temps qui passent. Cette réunion d'amis se poursuivra jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence d'esprit. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi bercer par cette thérapie musicale. Oublie tes cœurs et l'espoir, c'est bien le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi, apprécie-la à sa juste valeur. Que la chute et le terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque pas, ça te revient. Lève les bras, balance-toi sur le rythme de nos voix. Laisse-le vous. Je me laisse tenter par le flot d'un dernier verre. Dès lors je découvre l'évidence. Une poésie musicale qui active tes sens. Sans excès la soirée se déroule. Les bandits ce soir n'ont pas mis de cagoule. Un visage découvert tout dans même univers. La nuit est à son paroxysme pour nous tenter le faire. Je ne remarque rien d'étrange dans les comportements. Juste un excès de fantaisie dans les débranchements. La foule, la facette, quand quelques images, les gens qui font la fête. Oh, la chute de terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque pas. Jig it out.

كنت حاسس في بلادي وهنا ليا نموت يا الله كوم سا فو ما بيت خاي كوم سا وهكذا لقيتو هذه يلا هكذا كوم سا فو ما بيت خاي كوم سا وهكذا لقيتو هذه يلا هكذا شفتكم اللي ترنيت اللي وين اللي حبيبها يا بورتو زيت هنا وهذا الشي حرام يا شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبها يا بورتو زيت هنا وهذا الشي حرام يا كوم سان فو ما بيت خاي كوم سان وهكذا لقيتو هذه يلا هكذا كوم سان فو ما بيت خاي كوم سان Parisien du Nord, clan d'abord Actif dans la musique sans face mort C'est le talent d'abord C'est comme le padré Qui est affaire à mes pendant des années Des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de caner J'suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané Et pour les jeunes c'est la tannée N'en fallait pas faire l'erreur d'assimiler Face à ces professions ce ne sont que des bassesses De vocation la leçon à en tirer c'est quoi que tu dises Quoi que tu fasses T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau Gérant leurs entreprises comme on gère les kilos C'est pas dur, je veux voir les sous-bouffeurs au mur Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire Les ouais j'ai cartonique, goûte ou étrange Et ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, accélérer un peu pour la deuxième partie de la soirée enfin de l'émission pardon passez une bonne soirée c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h East 17 It's a ride nous sommes au milieu des années 90 et ça ça a fait un carton dès sa sortie en direct petit souvenir enfin même grand souvenir des années 90 passez une bonne soirée c'est Ludo qui vous emmène le mix de Ludo tous les vendredis et samedis 21h-23h It's alright, it's alright, it's alright, it's really alright, it's alright, it's really alright. Le mix de vidéo. dormeur doit se réveiller. Se réveiller. samedi à 21h sur GFM.

track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Ooh, oh, they just don't care. J'aimerais boire un verre de boisson, de champagne. C'est beau la petite. Qui boit du champagne. Samedi à 21h sur Sorgier FM. Thank you. Ça, ça représente bien la scène des années 90. Sing Alléluia, Dr Alban. Passez une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. On a encore plus d'une demi-heure à passer ensemble et souvenir. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. time, but I just don't know. I try to get solution, I try to get some flow. Thoughts running to my mind, maybe the man in the front, yo, was the man from behind. But it's the place where I don't have to watch my back, when I could just go out without protecting my sex. Will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows. Sincere, bass bumpers in the house, we're gonna funk your rear. I wanna rock the place. Take it to the max. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Please. mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Direction l'année 96, Love Is In Run, voici DJ Bobo. Ludo, on l'articule, DJ Bobo, Love Is In Run. Voici une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Toute ma jeunesse.

passez une bonne soirée, l'écoute de Serge FM. On se retrouve la semaine, demain, pardon, 21h-23h pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Comme tous les vendredis et samedis soirs. À l'instant, c'était le remix de Usher, hier. The Storm, Jay. On le mettait à la vitesse normale. Un morceau qui date de 96. Hyper, voici Scooter, le remix.